Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle qui s'intitule « La ligne ». Elle est écrite donc par Sylvain Tesson, qui est paru aux éditions Folio, sous le titre de « S'abandonner à vivre ». Sylvain Tesson est donc un écrivain français, un grand voyageur. Il est né en 1972 à Paris. Il anime une émission de radio, il écrit ses aventures. Et puis il y a un choix dans ses héros qui sont quand même pas si mal que ça. Ils sont marins, amants, guerriers, artistes, pervers ou voyageurs, et vivent à Paris, à Zermatt ou Riga, en Afghanistan, en Yakoutie, au Sahara. Et en fait, ils auraient mieux fait de rester au lit. Voilà comment. Voilà la petite phrase derrière le livre. Je vais donc commencer par la ligne. Elle est introduite par une citation de Cioran. Quant au lendemain de la guerre de 14, on introduisit l'électricité dans mon village natal. Ce fut un murmure général, puis la désolation muette. Vous allez savoir pourquoi. Émile, Piotr, on se connaît depuis 12 ans. Comment expliques-tu que je continue à te faire confiance ? Garde tes forces, mon vieux, écoute le froissement de la neige, imprègne-toi de la beauté de la nuit sibérienne. Elle est notre souveraine, elle nous enveloppe et son haleine. Émile, oui, je t'emmerde. La nuit, tout est plus long. Pas de paysage pour se désennuyer. L'effort de la marche s'augmente de l'inexistence de repères. L'impossibilité de tronçonner la distance à abattre décourage les plus vaillants. À la lumière, le marcheur se fixe des objectifs, prend ses amers, se replie en lui-même en attendant d'atteindre son point de visée. Puis en détermine un autre et renouvelle l'opération jusqu'à la halte. Mais dans le noir, on erre. La nuit, cette mangrove, aspire la volonté. Alors, pour marcher, il faut une sacrée raison. Les flics au cul, un rendez-vous d'amour, ou bien une vie intérieure à l'image de ces tarés dostoïevskiens, starettes de monastère et folles en Christ, qui pérégrinaient dans la noirceur pour la mortification des pieds et le salut de l'âme. Si l'on n'a pas de pensée ou plongée, la marche sous les constellations est un interminable calvaire. Piotr détestait cette expédition. Il restait à la traîne d'Émile, à la traîne de la trace dans la neige, à la traîne du faisceau de sa lampe. Depuis des heures, son horizon se réduisait au tronc des arbres, blanc pour les bouleaux, noir pour les cèdres. « Tu es sûr de ta direction, Émile ? Ta gueule, Piotr ! Merci, tu me rassures !» Cela devait faire 3 heures qu'il marchait. Piotr n'osait pas consulter sa montre. Pour l'atteindre, il fallait s'arrêter, enlever les moufles, relever les manches de la veste et les couches de laine. Bref, l'opération était si fastidieuse qu'il préférait vivre hors du temps. La neige était profonde, l'effort démesuré pour arracher un pas. Ils avaient roulé 2 heures sur la piste, laissé la camionnette sur le bas-côté à 100 km du village, et s'étaient enfoncés plein sud de chaussées de raquettes. Émile avait juré sur la tête de son neveu qu'il n'avait que 8 km à parcourir. Il s'orientait avec un GPS américain acheté à Saint-Pétersbourg l'année d'avant. Mais Piotr n'avait pas confiance en ces boîtiers de plastique réglés sur des satellites de l'OTAN. Comment pouvait-on imaginer qu'un truc gros comme une boîte à savon puisse recueillir des informations spatiales qui établiraient une position au mètre près, dans cette taïga oubliée du reste du monde ? Émile ? Quoi, Piotr ? Il reste combien de temps ? 2 kilomètres, dit Émile. « Oui, mais combien de temps ? Ça dépend si tu la fermes ou pas. » on n'aurait pas dû boire avant de partir. C'est toi qui as voulu. Justement, j'ai soif. Encore 500 mètres et je te fais un feu, d'accord ? D'accord. Ils ahanèrent une demi-heure et brusquement, dans une clairière où le vent avait décapé la neige, Émile jeta son sac et déclara la halte. « Mon vieux, il reste 1,5 km et on y est. » Juré sur les larmes de Notre-Dame de toutes les douleurs. « Salaud, tu ne crois en rien. À la douleur, si. » Piotr s'écroula sur son sac. Émile s'activa. Il ramassa des branches mortes, déblaya la neige avec sa pelle, disposa le bois et l'arrosa d'un demi-litre d'alcool à brûler qu'il transportait dans un bidon. Il avait passé l'âge de faire partir un feu dans les règles de l'art. Il déboucha une bouteille de vodka et tira de la poche intérieure de son large manteau un saucisson de porc qu'il entreprit de couper à grosses tranches avec le poignard qui lui battait le haut de la cuisse gauche et sur la lame duquel s'étalait le nom d'une ville du Caucase réputée pour ses égorgeurs. Les deux hommes s'étaient connus pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, déclenchée avec ce raffinement que les Russes mettent depuis des siècles dans la résolution de la question caucasienne. Tous les deux faisaient leur service militaire dans les troupes de montagne et un assaut particulièrement violent dans un quartier de Grozny en décembre 2001 les avait liés à jamais. Ce jour-là, Piotr s'était éloigné derrière un tas de gravats. Quand les roquettes du RPG-7 étaient tombées, il avait bondi de son trou, le pantalon aux chevilles, et s'était cassé la gueule à découvert, du mauvais côté du trottoir. À 5 ou 6 mètres de sacs de sable où ses compagnons tentaient de le couvrir. Si Émile n'avait pas bondi pour le tirer par le col alors que les camarades de la section sulfataient l'ennemi avec les 250 coups-minutes de l'AA-12, une arme qui œuvrait beaucoup à cette époque-là pour la diffusion de la civilisation occidentale dans les replis tchétchènes. Il se serait fait déchiqueter le cul par les rebelles qui maniaient le fusil Dragunov mieux encore que le couteau. Le soir, sous la toile de tente kaki qui sentait le goudron, le capitaine avait raconté à Piotr que George Orwell, pendant la guerre d'Espagne, avait renoncé à tirer sur un fasciste espagnol débusqué d'un trou de chiottes. L'anglais prétendait qu'un fasciste qui court en se tenant le pantalon est avant tout un être humain. L'anecdote n'avait pas rassuré Piotr. On ne pouvait la transposer au conflit caucasien. L'essayiste anglais était plus civilisé que les brutes barbus qui tentaient d'imposer la charia à l'ombre de l'Elbrouz. Le feu brûlait bien. Le reflet des flammes dorait les bouleaux. Les arbres avaient la couleur des cierges. « Tu vois, Piotr, pour nous, ce soir, la civilisation, c'est le halo du feu. Au-delà, c'est la nuit, le danger, les bêtes sauvages. La nuit est un cul de Tchétchène. À quoi boit-on ? Dit Émile. Au feu de bois, dit Piotr. Il finira par mourir, dit Émile. Alors on partira, dit Piotr. Ils versèrent quelques gouttes sur le sol à la manière des Sibériens ou des anciens Grecs. Ils burent leur dose, cul sec, et Piotr emplit à nouveau les verres. « Regarde ton ombre, mon vieux. C'est pour cela que nous sommes là. Regarde danser ton ombre, bon Dieu, et l'ombre de nos silhouettes sur les taillis. C'était cela, c'était exactement cela. » Je te dis, une magie de chair et d'ombre, une valse d'encre et de miel. Émile avait l'air hagard et les yeux exaltés. Il ressemblait à ces saintes catholiques du XIXe siècle qui donnèrent le nom d'extase, de poids-moison et d'état de grâce à une sensation pour laquelle il existait plein de mots salaces. « Je la revois », continua Émile. « Je revois l'ombre de Svieta sur le mur de bois. J'avais l'impression de baiser une ombre chinoise. » Tu as déjà baisé une ombre chinoise, mon vieux. 2 semaines auparavant, partisan le hameau où Émile et Piotr travaillaient à la scierie numéro 1, avait été plongé dans l'obscurité pendant 48 heures. À 150 km de là, à la naissance de la ligne électrique qui convoyait le courant vers partisan, un court-circuit avait incendié l'un des boîtiers du transformateur de Rietschka. Les agents de la compagnie avaient mis 2 jours à réparer l'avarie. Au village, on avait retrouvé les vieux réflexes. On avait ressorti les lampes à pétrole, réactivé les poêles à bois. Les Russes ne s'affolent jamais quand le confort recule. Dans ce pays, le jour où les oléoducs cesseront de cracher le pétrole, on n'aura aucun mal à revenir au mode de vie du XIXe siècle. Pendant 2 nuits, les bougies vacillèrent derrière le carreau des datchas. Le hameau, dans l'obscurité mouchetée de carrés d'or, prit des allures de peinture sur laque. On s'était très bien accommodé de ces heures de panne. Après tout, l'électricité publique n'était arrivée que très récemment dans ses confins. L'année où Poutine avait relancé les efforts d'exploitation des ressources dans les parages arctique. Émile ne tarissait pas. Piotr l'écoutait d'autant plus patiemment qu'il était installé contre une souche, le cul sur le sac chauffé par le feu, engourdi d'alcool. Il avait cette politesse des gens confortablement assis. Avec Svieta, on n'avait jamais baisé comme ces 2 nuits-là, mon vieux. On avait allumé des bougies sur la table et il y avait la vieille lampe tempête de mon grand-père posée devant l'icône de la Vierge de Notre-Dame des Affligés. Svieta. Elle est devenue serpente. Elle se cabrait, regardait le cerne de sa croupe vacillante, souple, projetée sur le mur de rondin par la flamme des bougies. Le tremblement des ombres sur les murs, au plafond, sur la porte, l'excitait comme une chienne de traîneau samoyède. Elle est devenue une ombre. Une ombre s'est attachée à son objet. Ça essaye de s'échapper, ça se tord de douleur, ça supplie qu'on la libère. Elle frémissait, s'assouplissait. Une flamme noire, vivante, je te dis. Et les lueurs donnaient vie à sa peau. Elle miroitait, mon vieux. Davantage encore que la surface gelée d'un lac saupoudré de soleil à travers les nuages. Sa peau, je ne l'avais jamais vue comme ça. On ne devrait regarder les femmes qu'à la lueur des cierges ou de l'acétylène. Nos aïeux devaient prendre leurs pieds autrement mieux que nous en forniquant sous la tente, éclairés par leurs mèches à huile. Son ventre, Piotr, son ventre, un tapis de prière brossé par les flammes, léché de lueur. De la neige sous un soleil rasant, le moindre grain en était révélé. Un jour, je suis allée à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg avec les Komsomol et j'ai vu comment ce Français, Gauguin, un pauvre cloche syphilitique, peignait ses vaïnées. Des grosses filles humides, vautrées dans des barcasses, les membres ouverts, des animaux marins gonflés de sang, de foutre et de sel. Eh bien, Svieta avait cette peau ce soir-là, couleur de bière, de beurre, de caramel chaud, tachetée comme le ventre d'un omble. Tu entends ? Putain de bite, Piotr, et cette texture, il n'y a que le pinceau d'un peintre français à pouvoir la rendre ou la lueur des bougies. Je baisais une femme icône, mon pote. Je découvrais une autre Svieta et de sa chatte coulaient de longs filaments. Et l'intérieur de ses cuisses était veiné de traînées d'albumine qui s'argentaient dans les flammes. Même le duvet de son ventre s'éclaircissait légèrement, rosissait et me faisait penser à l'étoupe d'amadou que l'étincelle allume. Et je n'en pouvais plus de cette palpitation et je fixais ses yeux et ses pupilles que la lumière ne fécondait pas, ses deux fentes noires, effrayantes, blessées d'un minuscule éclat de flamme, ces deux fentes demi-asiates, insondables, que le tamisage de la lumière avait rendues soumises. Quand elle a joui, elle a fermé les yeux et j'ai cru que le vent avait soufflé 1000 bougies. « Merde, Émile, tu m'excites. Allez, on se casse !» dit Piotr. Il se leva, écrasa le feu de sa botte, rangea la bouteille et la hache. Ils quittèrent la clairière et passèrent l'oreille. Pendant quelques minutes, ils marchèrent en silence. Il fallait s'extirper de la torpeur, lutter contre l'instinct qui appelait à revenir auprès des braises. Il fallait replonger dans l'immonde nuit, réhabituer le corps à la mécanique de la marche. Laisser la chaleur de l'effort se répandre. Ils avançaient, précédés chacun d'un panache de vapeur. Émile, enfin, pourquoi on fait ça tous les deux? Vous n'auriez qu'à recommencer avec vos fantasmes d'igloo et de lampes à graisse de phoque. Ce n'est plus pareil, mon vieux. Ils ont rétabli le jus. On entend la radio des voisins, il y a la putain d'enseigne du magasin en face de chez nous, l'éveilleuse des appareils électroniques clignote, et puis elle ne résiste pas. Elle regarde la télé jusqu'à 11h. Pour elle, les bougies, c'est un secours. Moi, je lis au lit en l'attendant. Après, on baise sous un néon clinique. J'ai retrouvé ma femme, j'ai perdu une salamandre. Ils débouchèrent soudain sur une tranchée large de 30 mètres, au milieu de laquelle courait une ligne électrique. Émile fit asseoir son ami sur le sac à la lisière des arbres. Il fureta longuement à l'oreille de la saignée. Il revint claironnant. « J'ai trouvé un cède haut de 30 mètres. Il fera l'affaire. » Mettre en œuvre la tronçonneuse et couper l'arbre prit 20 minutes. Le cèdre oscilla quelques secondes et dans un craquement de colonne vertébrale s'abattit sur la ligne électrique. Une succession d'étincelles indiqua que le fil s'arrachait de ses attaches et 5 poteaux furent couchés sous la violence du choc. Voilà, mon vieux, le temps qu'il retrouve l'endroit et répare les dégâts, on en a au moins pour 4 ou 5 jours. Viens vite, rentrons. Piotr ajusta le sac sur ses épaules et mettant ses raquettes dans la trace de l'allée, soupira. « Davai, mon salaud de cochon, allons-y, ne fais pas attendre Svietra. » Bon, c'était pas trop pour les enfants, hein. Allez, je vous laisse passer une très très très très bonne semaine et puis gare aux lignes à haute tension, hein. À bientôt sur Radio Gemozo. J'oublie la musique. Simple ou simply falling. Lié au cas. Voilà, voilà. J'espère que, eh bien, que vous passerez une bonne semaine sur Radio Gemozo, bien sûr. My heart again. All of this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me. Show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami. Heart is, and just justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. And now I can't break away from this fire that we started. To my